Ouais, ouais c'est bon. Bon. Tartès. Bonjour, on vous propose là de lancer un petit débat en attendant que la marche elle commence pour avoir un peu vos impressions, vos ressentis sur la situation actuelle, sur ce qui se passe depuis en deuxième confinement. Là, les lois qui sont en cours et qui n'arrêtent pas d'empiéter sur nos libertés. Enfin voilà, moi c'est un peu mon impression déjà que je lance comme ça. Et donc, nous on est un collectif d'éducation populaire qui est sur les passes publiques. Donc là, voilà, on ouvre un peu le débat pour que vous puissiez nous donner vos ressentis sur la situation actuelle et qu'on voit un peu vers où on va. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du collectif qui a envie de commencer. Qui ressent là-dessus. Et s'il y a d'autres personnes autour, en tout cas, qui ont envie de s'exprimer, vous faites un signe de main, je vous passe le micro. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir les ressentis de tout le monde. Tu veux commencer ? Merci. Ça fait plaisir. C'est revenu. Déjà, vous voulez dire que ça faisait plaisir de voir du monde sur cette place de la République. Nous, on s'est créé en 2016 pendant le mouvement Nuit Debout. C'est assez particulier. Il y a eu les gilets jaunes depuis. Et la réflexion que je me faisais en venant sur cette place, on est venu pendant très longtemps tous les week-ends, ici tous les samedis ou les dimanches, pour discuter avec les gens de tout un tas de choses. Et on a un peu l'impression, finalement, le monde dont on parlait vachement détérioré depuis quelques mois. Et c'est juste hallucinant, en fait, de se retrouver avec ce type de loi qui passe sur la sécurité globale, notamment. Et c'est assez flippant qu'aujourd'hui, notre gouvernement et une partie de nos dirigeants, en fait, se cachent derrière le mot « république ». Et qui brade cette république, qu'on soit pour ou contre d'ailleurs, et comme un prétexte. Et aujourd'hui, voilà, d'avoir la permission d'avoir que les flics puissent rentrer dans des bâtiments avec leurs armes, qu'on n'a plus le droit de filmer toutes les violences policières, les agressions. On est clairement en train de dériver dans un état totalitaire, même aux États-Unis, pourtant les lois sont pas aussi dures. Donc voilà, c'est très compliqué. Et on souhaitait vous ouvrir un espace de parole, en fait, parce que ça fait un petit moment qu'il se passe plein de choses en France. Et n'hésitez pas à prendre le micro, c'est vraiment. Et puis voilà. Bonjour à tous. En fait, je vais laisser ce message, en fait. Il y a un truc qu'on n'a pas dit. C'est qui est très important. Ce qui s'est passé là avec Michel, c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Le racisme, la xénophobie, tout ce qui va avec, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, moi j'ai entendu un truc qu'il a dit qui m'a fait très mal. On lui a traité de sale nègre. Alors moi je vais dire un truc. À tout le monde, avant d'être une race, avant d'être quelque chose, on est des êtres humains. Donc, c'est pas une histoire de couleur là. Arrêtons de dénigrer les gens par rapport à leur statut et par rapport à leur race. On est tous ici. Sur Terre, on meurt tous pareil. Il y a le Covid. Noir, blanc, chinois, tout ce que vous voulez. Meurt pareil. Donc si les gens n'ont pas compris ça, et que les gens sont là toujours à traiter les gens, à se battre, vous avez vu, il a été maltraité. Et en plus de ça, insulté. S'il n'y avait pas les choses pour filmer, il n'y avait rien, personne n'aurait rien dit. Tout ce monde aurait fermé sa bouche aujourd'hui, il n'y aurait pas de manifestation. Donc aujourd'hui, écoutez bien. Si on est tous en place ici, on est tous unis, c'est pour une seule chose, c'est pour qu'on avance tous ensemble. Si les gens n'ont pas compris, si elles sont toujours là, à critiquer, à dénigrer, à dire non, que cette police, elle est là pour nous, c'est faux. Elle n'est pas là pour nous protéger. Elle n'est pas là pour ça. Il y a de la provocation. Moi, je vous ai dit ce que je veux. Je vous raconter ce qui m'est arrivé. J'étais avec des amis. On était en train de prendre le producteur. On arrive. Les flics débarquent. Des nanas à l'intérieur, même pas habillées. Elles sont là en train de regarder. Elles demandent aux mecs, retournez-vous. Les mecs, ils respectent pas. Ils sont là en train de mater. On sort dehors. Un mec me provoque. Il me regarde. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? T'es qui, toi? J'ai dit, mais attendez. Je veux te voyer si tu veux. Le masque. J'ai juste posé mon masque 5 minutes. Il me dit, mets-toi à côté. Ils étaient trois sur moi. Il y en a un qui me dit, ouais, avec ton statut, je suis sûr que t'as un casier judiciaire. J'ai dit, mais comment tu me connais? Je ne sais même pas d'où tu sors. C'est quoi? Alors là, c'est pas une histoire de couloir parce qu'au final, je vous dis, j'ai baissé la tête et j'ai pas regardé. J'ai dit, c'est pas la peine. Les mecs, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est me provoquer. Mais moi, je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que ces mecs-là, s'ils ont la névrose, ils ont des problèmes, c'est pas mon souci. Je vais pas me faire des gens qui n'ont rien compris à la vie. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, si les gens sont là aujourd'hui pour manifester, montrez-leur qu'en fait on est plus intelligent qu'eux. Et qu'on sait, on a le savoir-vivre. Parce que c'est le savoir-vivre qu'il faut avoir. Faut leur montrer. Moi je vais pas rentrer dans cette castagne parce que ce qu'ils ont fait à le défoncer, c'est qu'ils ont même pas cherché à comprendre. Ils sont rentrés de force. Ils ont même pas vu que le mec il habitait là. Il habitait dans ce domicile-là. Donc réfléchissez bien. Dites-vous que si cette justice et cette police doivent nous protéger, alors c'est faux pour ça. Moi je dis aujourd'hui, ils sont pas là pour ça. Donc il faut connaître la vérité. Toute la vérité sur l'affaire Adama. L'affaire de Boîte Michel, justement. Toutes les affaires qu'il y a eu aujourd'hui, il faut qu'on connaisse la vérité. Tendre. C'est ça qu'on fait. On les défend. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà. Et je vous dis encore une fois, on est tous ensemble. Couleur, il n'y a pas de couleur. On est des êtres humains avant tout. Des êtres humains. Alors arrêtez. Et moi, je suis pas un sale nègre. C'est là qu'il a dit le flic. Qu'il laisse pas voir ailleurs, même en enfer. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, c'est un espace de parole libre. N'importe qui peut venir prendre la parole, en fait. Je vous passe le micro. Parce que je pense qu'on a pas mal besoin de s'exprimer sur le ressenti actuel de la situation avec le confinement. Paroles sont écartées. Je te passe le micro. Vas-y. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Moussa Diawara. Je suis guinéen de nationalité. Je suis agent de sécurité. On est tous là pour une cause commune. De la barbarie de la part des policiers à la gare de l'Est, parce que ça fait 2 ans, moi je travaille dans un monoprix et au niveau du château d'eau ici comme agent de sécurité. Un matin je suis tombé sur 4 policiers, mais ce que je voudrais dire ici par exemple, on peut le voir, on peut la voir du moins ça comme une question de couleur, mais je me dis que les 4 policiers qui m'ont infligé ce sort, il y avait un noir là-dedans, il y avait un noir et c'est lui-même qui était là en train de que ses collègues sont en train de m'insulter. En fait, quand ils sont en 4 ou 3, il y a toujours un qui s'est fait médiateur, qui essaye de te dorloter, qui te dit des beaux mots, pendant que ses collègues sont en train de faire du n'importe quoi. Je vais vous dire, en me palpant, même ma partie génitale n'a pas été épargnée de leur bavure. Ils m'ont palpé partout, ils ont pris ma carte pro, ils ont pris mon titre de séjour, et à la fin, c'est le Renoir là-même qui me dit, tu verras, on va envoyer un message à la préfecture, tu ne pourras plus changer ta carte de séjour. J'ai la protection internationale, je suis un réfugié. J'ai une carte de 10 ans. Donc si dans 10 ans, il y a un changement de régime dans mon pays, je n'ai rien à foutre ici, je retourne chez moi. Je ne suis pas là parce que la France est belle. Je suis là parce qu'il y a une question de sécurité personnelle qui me pousse de sortir, venir me réfugier ici. Le temps pour moi que le régime change chez moi pour rentrer. Mais dire maintenant que vous allez envoyer un message à la préfecture, pour que moi, le jour que je serai prêt de changer et ou de renouveler mon titre de séjour, pour que j'ai des problèmes, je dis faites-le. C'est le Renoir là qui m'a dit la même phrase. Et quand j'ai vu l'image du frère qui a été agressé, je me pose 1000 questions. Les jeunes qui sont dans la cité, dont ces policiers viennent faire des interventions souvent, ils racontent leur version des faits. Mais sauf que il y a une question qui est là, et dès que tu parles, on dit que leurs paroles pèse sur ce que toi tu vas dire comme version des faits. Tout simplement parce qu'ils sont assermentés. Combien de personnes assermentées dans ce pays sont en train de foutre, sont en train de faire du bordel un peu les agents de la SNCF là. Une fois à la gare de Lyon, il y a un monsieur qui était en train de verbaliser une africaine. Moi j'étais juste à côté, je téléphonais. Il est venu m'intimer de quitter. Je lui ai dit, mais monsieur, pourquoi? Vous faites votre verbalisation, je suis à côté ici. Il dit non, tu quittes. Je dis non, moi aussi je ne quitte pas, j'attends quelqu'un. Le monsieur en question appelle les policiers arrivent. Il me donne une contravention de 180 euros. Et j'ai écrit à la SNCF. La SNCF me répond pour me dire que ces agents-là sont assermentés. Donc les gens derrière cette fameuse expression, serment pour faire du n'importe quoi aux gens. Je vous jure, s'il n'y avait pas la caméra aujourd'hui, le monsieur qui a été victime serait aujourd'hui en prison, en train de dormir avec ses blessures. Qu'on dise, il nous faut quand même un état d'esprit pour dire que cette violence-là, ce n'est pas une question de policiers blancs, mais c'est une question de la tenue du policier. Même nos frères qui sont là-dedans, nos frères arabes, nos frères noirs, ils sont tous des policiers. Ils se soutiennent quand ils font des bavures. Et ils sont les premiers à soutenir les autres là. Donc c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie pour votre déplacement et nous devons continuer cette lutte. Trop, c'est trop. Merci beaucoup pour ton intervention. C'est donc si quelqu'un souhaite s'exprimer, je vous passe le micro, n'hésitez pas. Je pense qu'on a beaucoup besoin d'entendre ce qui se passe autour. N'hésitez pas à venir prendre le micro, vraiment, il est là pour que vous puissiez vous exprimer. Je suis sûre que vous avez plein de choses à dire, donc allez-y, vraiment, on est là pour ça, justement, pour entendre tout ce qui doit se dire. Vas-y. Pour juste dire une phrase. Une phrase de Bob Marley, get up, stand up, don't give up the fight. Voilà. Merci. Alors moi je suis pas là pour monopoliser la parole, donc allez-y, venez vous exprimer vraiment. Il y a trop de paroles qui sont souvent pas entendues, qu'on n'ose pas dire. Donc allez-y, n'hésitez pas. Bah alors, vous voulez pas la liberté ? Non, personne n'a rien à dire ? Là, c'est un espace de parole libre. N'hésitez pas à venir vous exprimer sur votre ressenti de la situation actuelle, ce qui se passe depuis plusieurs mois. Vous voulez dire quelques mots ? Bonjour. Pour 0,5 de taux de létalité d'un virus, alors que le virus, c'est la vie aussi, hein, on arrête un pays. On tue des petites et moyennes entreprises, on empêche les gens de circuler, de se voir. Je vous conseille de regarder quelques sites alternatifs dits complotistes. Antifa, allez-y. Viens parler ici. Voilà, la parole est de moi. Merci beaucoup. Ok. Vous voulez vous exprimer ? Donc il y a forcément personnes qui ont des avis différents, hein, donc n'hésitez pas justement, le but c'est de venir prendre la parole, pas de se taper les uns sur les autres, il y en a assez pour nous taper dessus ici. Donc voilà, on est là pour faire un espace de parole libre, pour que vous veniez exprimer un peu votre ce qui se passe aujourd'hui. Je sais que ça fait toujours un peu peur de prendre le micro, mais je vous assure, après ça se passe bien. Hein. Bonsoir, je m'appelle Emmanuel, bonjour. Je suis française, mes parents étaient immigrés, donc capverdien, portugais, italien. Je suis donc issue de la deuxième génération. Mes chiffres, mes papiers, c'est ce qu'on dit. Malheureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un pays où c'est pas la couleur de peau qui fait qui tu es, mais c'est tes idées politiques. Aujourd'hui, on est tous des humains, qu'on soit noir, blanc, jaune, bleu, la vérité, on s'en fout. Le vrai problème, c'est qu'on a... Mais contre un ennemi, et cet ennemi, c'est pas ceux qui disent qu'on est des complotistes, c'est pas les politiciens, le vrai problème c'est nous tous. On n'est pas unis, on veut pas comprendre, on est que pour l'argent, on est que pour la guerre, au lieu de tous s'unir et faire la guerre contre ceux qui nous dirigent. Ils vont essayer de nous faire des lois pour nous contrôler, ils vont essayer de nous mettre des puces dans le corps, ils vont essayer de nous, ils vont nous obliger à nous vacciner, mais ce vaccin on sait même pas ce que c'est. Aujourd'hui, je sais, certains peuvent dire non, c'est faux, c'est vrai. La vérité, c'est en train d'arriver et personne n'en parle. Si on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une couleur de... J'habite aussi dans le 17e, j'ai vu ce qui s'est passé. Hein. Le gars, c'est pas parce qu'il est noir, parce qu'il est blanc, c'est une question de... Tu sais, tu peux pas être raciste de ta propre race, n'est-ce pas? Je pense qu'à la Deuxième Guerre mondiale, on a prouvé qu'un Chinois, un Blanc, un Belge, on était tous pareils. Donc les gens qui sont racistes, c'est les gens qui ont peur de l'être humain, c'est les gens qui ont peur d'être eux-mêmes, c'est les gens qui ont peur de la différence. Mais les gars, la différence, c'est ce qui fait qu'on n'est pas tous... On est obligé d'être différents. Si on était tous pareils, putain, le monde... Donc moi, je pense que, en vrai, le problème, c'est pas ceux qui pensent que le corona, il est vrai, il est faux. Eh, la vérité, les virus, on vit avec depuis la nuit des temps, les amis, la nuit des temps. Et les virus, c'est même nous. Donc si aujourd'hui, on doit arrêter toutes les civilisations, si on doit, en fait, faire eux, ceux qui nous dirigent, là, les grands puissants... Les grandes puissances, c'est pas vous, ceux qui gagnez les milliers, des millions, même ceux qui sont 1 million à l'année, là, c'est rien. C'est ceux qui sont dans les billions, c'est ceux qui jouent, là, ils sont en train de jouer. Vous savez, Game of Thrones, toutes ces conneries, c'est nous, là, les petits. Donc aujourd'hui, je pense que la seule chose qui est importante, c'est que vous soyez blanc, noir, gay, bi, tout ce qui est la différence qui fait que la génération humaine est importante. Faut mais contre le gouvernement, il ne faut pas mettre le feu, il ne faut pas faire l'anarchie, c'est des conneries ça aussi. Mais si vous pensez vraiment que la France est un pays égalitaire, libertal, et où en fait on peut tous avoir nos droits à juger, il faut arrêter en fait ce délire où il faut sortir des écoles, il faut avoir des masters, plus 15 diplômes. Je reviens en Angleterre, j'ai vécu 6 ans à Londres. En Angleterre, je travaillais dans la banque en finance. Je reviens à Paris, on me propose que des boulots de serveuse. Pourtant, j'ai une licence 3, pourtant je parle 3 langues. En Angleterre, on m'a jamais demandé pourquoi, quelle école, quoi. En France, on est encore, heureusement, il faut faire partie des élites, mais pour faire partie des élites, il faut vendre son sang, il faut faire quoi? Donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas le corona, c'est pas qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit blanc, c'est qu'on est tous des putains d'êtres humains, et là, on est en train de faire la Troisième Guerre mondiale, on est tous en train de se monter les uns contre... Donc la solution, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a online, on est partout. Et aujourd'hui, il y a des gens là, en Chine, ils sont en train d'exterminer des peuples dans des camps de concentration. Il y a 70 ans, on faisait la même ici. En Afrique, en Asie, aujourd'hui, je suis allée la dernière fois à Porte de la Chapelle, j'ai vu les migrants. On tape les migrants. On les met, vous croyez que les gens ils viennent ici parce qu'ils veulent voler votre travail? Mais eux, ils traversent parce qu'on leur a tout volé. On a tout volé en Afrique et on continue à voler l'Afrique. On continue à voler l'Asie. On continue à tout voler. Et c'est pas les blancs ou les noirs sont... Faut être honnête, hein, les présidents aussi en Afrique, ils sont assis sur leur chaise d'or. Ils sont noirs aussi. C'est pas question de noir ou de blanc, c'est une question de corruption dans le cœur. Il faut qu'on soit tous humains, il faut qu'on s'aime. Eh, la guerre, ça mène à rien. Tout ce qui se passe là aujourd'hui... Venez tous humains, on s'unit et on arrête de croire aussi que les gens ils sont là. C'est pas vrai, il y a des docteurs, les gens dans ma famille ils sont infirmiers. Le Covid est vrai, on va pas mentir. Par contre, une maladie où il y a 1 million de morts alors qu'il y en a encore plus qui font la même, voire plus de morts, il faut pas aussi... Il y a plein de maladies dans ce monde, il faut juste vivre avec. Et en fait, on essaie de vous mettre la peur dans les yeux. Rappelez-vous, c'est quand il y a la peur qu'on peut vous mettre des lois totalitaires et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous a impliqué la peur, on te dit si tu sors, si tu parles, si tu fais ça. Aujourd'hui, c'est la... Et quand il y a la peur, on va rappeler Hitler, on va rappeler Mussolini, et je vais vous en rappeler encore plein d'autres, mais c'est la peur qui a fait que ces gouvernements ont pu être mis en place. Quand vous mettez la peur, vous laissez le gouvernement prendre votre liberté et dire « Ok, on fait ce que tu veux toi. » Moi, personnellement, c'est mort. Je sais pas, vous avez envie d'être les popettes des gens qui n'ont rien à foutre de la race humaine. Ces gens-là, c'est pas des humains. Pour moi, être humain, c'est quand t'as un cœur, c'est quand t'as une âme, c'est quand tu penses au bienfait de toute la planète et des plantes aussi. Je suis pas écolo, je porte du cuir, on va pas faire genre vegan free. C'est que on est tous importants ici, mais il faut qu'on soit unis parce que là, ça part en vrille. Et si aujourd'hui, on se lève pas contre le gouvernement, mais c'est pas Macron. Macron lui-même, il sert à rien. Il y a quelqu'un qui le manipule derrière. Si on se lève pas contre tous ceux qui créent ces lois, qui font voter des lois pendant que vous êtes dans la peur, maintenant, vous avez vu ce qui se passe. On aura plus le droit de filmer. Il y a plein d'autres lois qui sont passées derrière, personne ne le lit, il n'y a personne à l'Assemblée. Même les parlementaires ne sont pas à l'Assemblée pour voter. Eux-mêmes, ils savent pourquoi. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est Est-ce qu'on va se laisser faire, les laisser nous détruire, ce qui fait qu'on est des humains, ou on va en fait leur montrer que nous, on s'en fout de la race, on s'en fout de quelle classe sociale tu es en fait. Le plus important, c'est que tu as un cœur et que tu veux vivre pour tous. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Après, excusez-moi pour les fautes de français, pour tout le reste, mais paix et juifs, musulmans, et que vous croyez même aux extraterrestres, à Bouddha, on s'en bat les couilles. Vous êtes la paix, pensez paix, s'il vous plaît. Paix, il n'y a que la paix et l'amour qui va nous sauver, les gars. Merci beaucoup. Hein. Donc, je pense qu'il y a de quoi réagir sur ce que tu viens de dire. Merci beaucoup. Ça, enfin, moi, je suis hyper touchée. Voilà, je vous passe le micro. Voilà, prenez le micro, mais absolument, prenez le micro. On a vraiment besoin de ça, quoi. Mais ça marche pas. 1, 2. حبينا نتزوجوا زوجونا انا وخويا وطروازيام مخب وفيف لارجيري واو في عبيد تحيه بوليزاريو علاش بوليزاريو هذا ايه بوليزاريو ديروا لهم سكاتش دير لهم سكاتش دير صح شوفوا انا جاي هاكي ما دار انا فهمت عرب لي كومبري ا لي جون دير فلسطين دير فلسطين اوكي Donc, je redonne le micro à qui souhaite le prendre pour donner son ressenti sur ce qui se passe actuellement, sur comment on voit la suite. Voilà, le but, c'est pas que ce soit moi qui parle, donc allez-y. Alors, je vais pas parler longtemps, je voudrais juste dire un petit mot sur le fait que ça fait quand même plus de 2 ans que le Didier l'Allemand sème la terreur sur les manifestants à Paris. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de manifestation sans me prendre du gaz lacrymo dans la gueule. Donc enfin, le manifestant en France aujourd'hui, il est en danger. Donc voilà, force à vous d'être là aujourd'hui. On est ensemble, on va y arriver. Un jour, on mettra fin à toute cette merde. Merci. N'hésitez pas à venir prendre la parole, c'est un débat libre. Je sais pas, moi je vais apprendre par rapport à donc situation actuelle. Je trouve pour moi c'est important d'être dans la rue en ce moment, par rapport justement aux lois qui veulent passer et puis tout ce qui se passe depuis plusieurs années. On va dire moi c'est que je vois le FN prendre le pouvoir très rapidement. Je pense que malheureusement en 2022. Je pense qu'ils vont avoir le pouvoir comme ils veulent. Je pense que Le Pen sera au pouvoir ou sa petite nièce qui va être encore pire qu'elle. Malheureusement. Et c'est ça que j'ai peur de l'avenir. C'est la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut développer collectivement pour pallier à s'ils passent eux au pouvoir, pour se défendre contre eux et aussi lutter peut-être en amas pas. Et par exemple, ce qui me fait rigoler aussi, c'est quand je vois toute la gauche se dire de gauche, alors qu'ils sont tous à vouloir garder leur place, à avoir une place, comme les Verts, etc. Et que ça me déçoit beaucoup en fait de ces partis-là, de voir que qu'en fait ils sont pas foutus de mettre leurs égos de côté, de fermer un peu leur gueule tous, et de partir en un seul candidat. Pour apporter un peu, même si. S'il vous plaît. Putain. Ok. et voilà, et voir que même sur la gauche, ils disent gauche, qu'ils sont pas foutus de se rassembler, etc. Et que je trouve ça assez lamentable, très lamentable et. Voilà, super lamentable et je suis très déçu de ces parties-là, très déçu de ces gens-là. Et qu'aujourd'hui, Pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y a tant d'issue que ça. Même si on manifeste, etc., je pense que ça changera pas la chose. Puisque ce qu'on a au pouvoir, c'est des fachos, des capitalistes, des libéraux à outrance, des gros fachos de merde. Et que ça soit la droite ou la gauche, tous ces partis-là, malheureusement, ne sont pas, pour moi, des pensées aussi assez fascistes, certains, et très dangereuses aussi pour le pays. Bonjour, moi je m'appelle Mehdi, j'ai 27 ans. Je pense que c'est important, nous, la jeunesse, de se politiser, de descendre dans la rue. Quoi ? On m'entend là ? Excusez-moi, je m'appelle Mehdi, j'ai 27 ans. Je me politise dans... Je pense que c'est important. Jeunesse qui devait faire la différence maintenant dans la rue. Il y a des anciens qui sont battus, qui sont morts pour nos droits, pour qu'on ait le droit à des semaines de congé, pour qu'on ait le droit d'avoir des libertés. Aujourd'hui, le pouvoir, il veut nous les prendre. Parce que c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu une pression sociale pour qu'on puisse garder. Et c'est important que nous, la jeunesse, on s'y mette et qu'on prenne conscience que sans la pression qu'il y a dans la rue, on n'aurait plus nos droits, notre retraite. Ça marche pas. Nos retraites, on n'aurait plus tous ces droits-là. Ils nous les auront enlevés. Et c'est important qu'on se mobilise. Voilà. Merci. Franchement, bravo ce que tu as dit, j'adore. J'ai juste un message à dire à quelqu'un, en fait, à tout le monde qui est ici. Le plus important, c'est l'être humain. Il faut arrêter de dire qu'on est politisé ou quoi que ce soit. Le plus important, c'est nous. La force, c'est nous. C'est pas eux. Eux, ils sont là, c'est l'élite. Ils sont là en train de nous regarder, ils sont en train de nous juger, ils sont en train de se dire devant leur chaise, oh ben c'est pas le problème, ils sont tous dans la rue. Mais c'est pas ça en fait. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui faisons que l'économie aujourd'hui soit debout. Même s'il y a eu le Covid, c'était compliqué, mais on est resté fort malgré ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à savoir qu'est-ce qu'on veut demain. Est-ce qu'on veut un monde comme ça, où on est contrôlé des gens qui ne connaissent rien à la vie, qui n'ont jamais vécu de la misère, qui n'ont jamais vécu des choses qui sont graves, où on est là en train de se constater, en train de se dire, mais on est en train de rêver, mais c'est pas possible. Ils sont en train de nous prendre des lois, on n'a même pas le mot à dire. On a regardé et constaté. Fou, on n'a plus le droit. Les mecs, ils ont le droit de filmer, mais nous, on peut pas les filmer. Mais on est où, hein? C'est pas possible. On a même des téléphones portables super high-tech, on peut pas les filmer. On peut pour rien dire du tout. On est esclaves d'aller nous contrôler depuis longtemps. Et aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Et le mental, il est là. Je pense que tout le monde qui est ici, si tout le monde est venu ici, c'est pour un but bien précis. Pour dire stop à la violence, mais aussi stop à un système capitaliste et néophobe et tout ce qui va avec xénophobe et gay. Voilà ce que je voulais dire à la fin. Donc à un moment donné, il faut dire aux gens que nous, le peuple, ici en bas, là, le peuple qui disent la France d'en bas, parce que c'est comme ça qu'ils nous expriment, ils disent la France d'en bas, eh ben on le dit, écoutez, demain, nous, on sera là, dans les urnes, mais même si on vote, c'est ça le problème. Parce que, comme il a dit, le problème, c'est qu'il y a le FN en face. Et le problème, c'est que même le vote blanc, ça part pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il faut qu'on travaille tous ensemble, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, il faut qu'on fasse un programme tous ensemble, il faut qu'on essaye de trouver des points positifs tous ensemble, et ça il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Et vous avez vu, le monde il a changé maintenant. Vous avez vu, ils ont parlé d'Europe. Mais t'as vu ce qui s'est passé en Italie, c'était chacun pour sa gueule. L'Allemagne ils ont fait leur truc, les Italiens ont fait leur truc, les Espagnols ont... Et après ils nous parlent d'Europe, ils nous disent qu'on est tous unis. Mais voilà qu'on n'est pas unis du tout. Ils ont laissé certains pays dans la merde, et après ils disent qu'on est unis. C'est pas vrai. Et en plus, sache que je regarde autour de moi, que je vois tout le monde qui est ensemble. Et je vois tout le monde qui est là, uni pour une fois. Et ça me fait plaisir. Et c'est pas une histoire de couleur là, en fait. C'est une histoire de se dire qu'on a tous galéré ensemble, parce que ça a été chaud sur cette période-là. À une année, le Covid vous a dit, hein. Moi j'ai vu des amis restaurateurs qui ont pleuré. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de quoi manger. J'étais avec quelqu'un, il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire des gâteaux. J'ai dit, mais tu travailles dans quoi? Dans la pâtisserie. Mais je sais même pas ce que je vais faire pour manger demain. Je me dis, mais c'est pas possible. Avec tout ce qu'on a vécu, ils nous remettent encore la pression. Ah merde. Mais non! Non! Faut dire stop, non! On n'a pas besoin de ça. Un simple contrôle d'identité, c'était simple. Monsieur, vous n'avez pas votre masque, vous rentrez chez vous, c'est tout. Voilà. Pourquoi de la violence? Parce que voilà, c'est ça, c'est qu'on ne sait plus parler. On ne sait plus dire les choses réellement. Et tout ce qu'on ressent là aujourd'hui, il faut l'exprimer. Donc voilà ce que je voulais dire. Et je voulais dire vraiment bravo à les gens qui permettent justement qu'on parler à des gens qui permettent justement qu'on puisse nous entendre. Parce que pendant un an, on nous a pas entendu. On était fermé. On nous a dit de fermer. 3 mois, vous restez, vous êtes en prison. C'est une prison, en fait. Ok, il y a le Covid, c'est dur. C'est vrai. Mais c'est quoi l'objectif? C'est parce qu'il y a trop de bouches à nourrir. Donc on diminue la population et on les chie. Ce virus, ils l'ont créé. Moi, et aujourd'hui, on est en train de nous dire, on va nous mettre un vaccin dans le corps pour nous mutiler, pour nous contrôler, pour savoir ce qu'on est. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Donc à un moment donné, il faut se réveiller et il faut dire aux gens, écoutez bien, merde, ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas contrôler, ne vous laissez pas endormir, parce que c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent que vous faites ça, vous êtes des robots. On n'est pas des robots. Donc c'est ça le plus important, on n'est pas des robots, on est des gens, on est des êtres humains, on peut être fâché, on peut être énervé, on peut être en colère, on peut être tout. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc franchement, je vous dis aujourd'hui, faut que le peuple se lève, et faut qu'aujourd'hui on leur montre qu'on est présents et qu'on est tous ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Merci, je répète, parole libre, donc n'hésitez pas si vous voulez vous exprimer, vous venez là, je vous passe le micro. Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Déjà, je tiens à remercier les personnes qui mettent tout ça en place et qui nous permettent de nous exprimer. Moi, je suis vraiment satisfait de voir tout ce monde aujourd'hui autour de nous, parce que quelque part, vous tous, autant que vous êtes ici individuellement, vous redonnez confiance en l'humain. Franchement, moi, vous me redonnez confiance en l'être humain et j'ai espoir. Je sais qu'ensemble, on peut faire vraiment de grandes choses, on peut y arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'impression qu'on est faible. On a l'impression qu'on ne peut pas changer les choses. On a l'impression de compter sur les gens qui nous gouvernent pour changer les choses. Je vous dis une chose, les amis. Le pouvoir, il se prend. Le pouvoir, il se prend. Si on entend de la misère, que eux prennent la bonne conscience un jour et venir dire « Ah, on leur a trop fait la misère, on va aller les aider », je vous dis qu'on va, pas aller en s'améliorant. Ce qu'il faut, comme disait le collègue avant et comme disait Mehdi, c'est que la jeunesse se mobilise. Moi, je suis plus très jeune. Moi, je suis un vieillard, j'ai 43 ans. Dieu, comme on dit, je gagne assez bien ma vie. Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre, mais je ne suis pas très en difficulté comparé à d'autres. Mais je tiens quand même à me mobiliser. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui souffrent. Nous, on s'amuse à faire. On a une association à Sarcelles qui s'appelle Culture du Cœur des Sarcellois qui font des maraudes tout le temps, qui vont donner à part. Et les gens qui ne mangent pas, ils n'ont pas le temps de venir se mobiliser pour leur bien. Et c'est à nous, je pense, c'est très personnel, c'est à nous de nous mobiliser pour le bien de ces personnes. Ce qu'il faut, c'est des objectifs communs. On a tous notre part dedans. Lorsqu'ils votent une loi, vous savez qu'il y a des circonscriptions, il y a des députés. Eh bien, on envoie tous un mail à nos députés de circonscription. Et on lui dit, oh mon coco, si tu votes cette loi, aux prochaines élections, on t'attend au tournant. Et croyez-moi que ces gens-là, ils veulent garder leur place. Ces gens-là veulent garder leur place. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous écouter. Le pouvoir, on l'a. On pense qu'on ne l'a pas. Je vous garantis que le pouvoir, on l'a. On se met tous ensemble. Je vous dis, qui peut stopper un homme décidé? Il n'y a personne. Ce qu'il faut, c'est de ne pas faire un coup. Déjà, je tiens à conjuguer parce que vous êtes tous là. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que moi, le premier, dans mon entourage, j'aurais pu emmener 2 personnes. Et imaginez-vous si chacun d'entre nous présents ici, on emmène juste 2 personnes en plus. C'est pas beaucoup, 2, hein? 2 personnes. Je vous garantis que là, il y aura encore plus de monde et on sera encore plus pris au sérieux. C'est-à-dire qu'on a tous la responsabilité, chacun d'entre nous, de ramener 1 ou 2 personnes à la prochaine manifestation. On a tous la responsabilité, si on veut vraiment changer les choses, d'écrire à nos députés et de leur dire pour nous servir. Vous êtes là pour nous servir et pas l'inverse. Donc vous allez faire ce qu'on vous dit de faire. Vous êtes nos employés, c'est nous les patrons. C'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est elle. Et il n'y a qu'ensemble. Je vous garantis, il n'y a qu'ensemble qu'on pourra faire les choses. Il n'y a qu'ensemble. Moi, je le répète, je ne suis pas en difficulté. J'ai un travail. Grâce à Dieu, j'ai un toit, j'arrive à moi. Mais je ne me bats pas pour moi parce que c'est bien. Moi, je m'en sors, ok, c'est bien. Tu t'en sors, il s'en sort, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on laisse aux autres? Moi, j'ai 3 enfants, moi. Moi, j'ai envie que mes enfants, plus tard, quand il y a des galères, que les lois passent ou pas, qu'ils me disent « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» Je dis « Moi, j'ai été militaire avec d'autres. » On n'a pas gagné, mais on sait que c'est ce qui compte aujourd'hui, demain, après-demain. Je remercie vraiment de m'avoir laissé la parole. Je remercie vraiment des personnes qui prennent des initiatives, qui prennent sur leur temps, sur leur énergie, leur matos personnel, pour nous permettre de véhiculer chacun d'entre nous notre message et surtout de nous rassembler. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, n'hésitez pas, le micro est là pour que vous puissiez vous exprimer. Bonjour, moi je m'appelle Inès, j'ai 20 ans. Et si aujourd'hui je viens militer, c'est pour une raison. Combien de Michel en plus faudra-t-il pour qu'on nous écoute? Combien d'Adama faudra-t-il pour qu'on nous écoute? Combien de violences policières faudra-t-il pour qu'ils puissent comprendre qu'on n'en peut plus? On n'en peut plus! Comment peuvent-ils faire ça? Il y a un truc qui passe pas. Combien d'entre nous, combien de nos proches sont tombés sous les balles de la police? Combien d'entre nous? C'est meurtre! Parce que ce ne sont pas des violences policières, ce sont des meurtres! Ce sont des meurtres qui ne sont absolument pas jugés par la justice d'aujourd'hui! Combien d'entre nous faudra-t-il pour qu'ils puissent comprendre qu'on n'en veut plus, qu'on en a marre? Cette police qui ne cesse de nous tuer jour après jour! Est-ce que c'est normal que moi, quand j'étais petite, on m'a appris que s'il y a la police, faut que je cours? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que nombreux des Noirs, des Arabes et autres tombent sous les balles de la police? Des violences policières soi-disant, qui ne finissent jamais, au grand jamais, sous les barreaux. Avez-vous vu déjà une seule fois où les policiers se sont retrouvés en tôle? Théo, récemment, ils ont avoué que les poursuites de viol ne seront pas prises en compte. C'était un viol fait par la police. Adama Traoré, sa sœur se bat jour après jour, qui fait des manifestations jour après jour pour avoir justice pour son frère. Bien trop nombreux sont ceux qui sont tombés sous les balles de la police. Et ce ne sont pas des violences policières, ce sont des meurtres qui méritent justice et qui doivent normalement être pris en compte. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir vous exprimer la situation actuelle, comment vous voyez la suite. Enfin, voilà, c'est pas souvent qu'on peut parler comme ça un petit peu de là où on est. Donc c'est un peu le but de ce qu'on fait en tant que collectif d'éducation populaire. Je vous laisse le micro parce que... dire. N'hésitez pas, hein, je vous assure... Le micro n'est pas dangereux. Pour une fois. Ok, Reltes, j'ai 26 ans. Et bref, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on disait là au début? La police, elle n'est pas là pour nous protéger. Et elle n'arrête pas de nous le prouver, ça. Tous les jours, on n'en parle pas assez. Mais elle n'est pas là pour nous protéger. Elle est inutile. Elle est complètement inutile. Et on peut totalement faire sans. Moi, je rejoins tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Là, je vis en squat depuis 10 mois. Ça a commencé par vouloir ouvrir un truc. Et maintenant, on est 30 et on est tous à se serrer les coudes, à vivre sans police, sans justice, sans loi. Et on fait de la médiation entre nous. Et ça se passe bien. Il y a de tous. Il y a des trans, il y a des femmes, il y a des mecs, il y a des sans-papiers, il y a des étudiants, il y a de tout. Et je veux dire... On n'en a pas besoin de ce foutu système. On n'en a juste pas, putain, de besoin. Et là, avec toutes leurs lois sur le Covid, les mesures, elles ont aucun sens. Ils disent un truc, ensuite ils changent d'avis. C'est pour masquer leur, je sais pas quoi, leur incompétence. Mais on peut raisonner logiquement. Il n'y a pas besoin de se couper les uns des autres. Qu'on soit enfermés les uns chez soi, on ne se parle plus, on n'a plus le droit de se voir. Et c'était ça la force du peuple jusqu'à maintenant. Les gilets jaunes, Nuit debout, c'était ça la discussion. On se parle, on se rencontre. Et ça, c'est le truc qu'ils sont en train de... Ça n'a pas de sens sanitairement. On peut se protéger et discuter. Donc il faut juste réfléchir un peu logiquement. Arrêtez de se fier à eux, quoi. Merci beaucoup. Donc, je le redis encore. N'hésitez pas à venir prendre la parole pour dire ce que vous avez envie de dire par rapport à tout ça, parce que je pense que ça peut dégager de l'espoir et de l'impuissance. Et comme il disait l'ami il y a deux secondes, on est vachement enfermés quand même dans nos têtes, dans nos chambres. Et qu'il y a un moment, justement, même de prendre la parole, ça devient difficile parce que ça fait peur de savoir ce qu'on a à l'intérieur, quoi. Donc n'hésitez pas à l'exprimer maintenant. Salut. Bonjour. Je m'appelle Daniel, je suis enseignant. Et je voudrais tout d'abord remercier énormément le collectif EducPop qui est venu avec sa sono, avec qui on se bat on se battait ensemble à Nuit Debout en 2016. Et donc depuis 4 ans, ils n'ont pas lâché l'affaire sur ces nouvelles manières de faire qui consistent à donner la parole à tout le monde et à faire qu'on se réapproprie ensemble l'action et le fait qu'on est gé et avoir une meilleure société d'échanger tous ensemble. Donc franchement, merci beaucoup et bravo pour votre ténacité. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que beaucoup de gens effrayant la tournure que la politique du gouvernement est en train de prendre et que là-dessus, on n'est pas tous égaux. Dans le sens où les violences dans les quartiers populaires, ça fait 30, 40 ans que la police comportement raciste et que l'impunité, elle règne. Elle régnait depuis trop longtemps dans le silence et la méconnaissance de la part de la majorité de la population française. Et donc désormais, avec sécurité globale, en fait, ça a été un process de la part du gouvernement de ne pas arrêter de serrer la vis. Et ça, il y a eu une rupture avec 2016, la loi travail, où ils se sont mis à nous tirer dessus au flashball. Mais ça s'est accéléré avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça les a bien fait chier. Et exemple de surgissement insaisissable et dont j'espère qu'il va avoir des conséquences. Je pense qu'on peut tous en être sûr. Et maintenant, avec cette loi sur la sécurité globale, ils se mettent à attaquer vraiment large de plus en plus. Donc on peut se féliciter de la force, de la réaction massive qui est en train de se... Et on peut être optimiste, en fait, sur le fait que c'est fort, c'est profond. Et je pense que... Je voulais dire un autre truc sur le... Quand il y a eu la constitution de 2005, européenne, le projet, ils voulaient autoriser la police à tirer sur les manifestants. D'accord ? C'était un article qui était envisagé dans cette constitution européenne. Donc ça, c'est leur projet. Et aujourd'hui, avec la loi de sécurité globale où ils encouragent l'impunité de la police, ils savent que la crise économique va créer de plus en plus de répression et ils veulent pouvoir réprimer dans le silence. Et la seule réponse qu'on a, c'est la solidarité, c'est notre arme. Et le fait qu'on soit tous là dans la rue, tous là à se rassembler, à s'organiser, à créer des réseaux locaux de résistance sur les lieux le quartier, sur les lieux de travail, le syndicalisme et sur les thématiques qui nous rassemblent, c'est ça qui est, à mon avis, des graines d'une sorte d'herbe incontrôlable, tenace, et qui finira par créer des réseaux de solidarité et mettre en place. Moi, j'espère qu'on arrivera à une révolution. Il n'y a pas d'autre solution face à l'État et au capitalisme qui sont déterminés à nous exploiter, à nous contrôler, que de s'organiser jusqu'à les renverser. Ils ont des armes, ils ont une centralisation. Je pense qu'en face, le peuple et les travailleurs ont besoin d'organisations révolutionnaires et de réseaux qui peut-être devront préparer la clandestinité, la résistance et un autre monde. Et pour conclure, c'est pas facile de s'organiser. On l'a vu avec les gilets jaunes, par exemple, on a essayé de faire des assemblées d'assemblées, et c'est pas facile. Une force collective dont il n'y ait pas des leaders qui vont ensuite se les approprier pour entre guillemets nous vendre. Et par exemple, il y en a qui parlent des élections de 2022. Moi, je sais que je voterai à gauche. Et en même temps une grande alternative, bon, j'hésite un peu entre les deux, mais ça suffit pas d'attendre 2022. C'est tout ce qu'on fait au quotidien dans la lutte, dans la résistance, c'est tous ces réseaux qui sont notre seule garantie. Faut savoir qu'on est loin d'être sans le coronavirus. Il y avait des mouvements sociaux qui pétaient à Hong Kong, au Chili, dans de nombreux pays, au Mali. Ils ont renversé un dictateur qui était ami de la France, notre armée, qui là-bas occupe et commet des crimes de ce pays. Et qu'en attendant de les renverser, il n'y a qu'une seule solution, c'est la solidarité internationale, l'indépendance par rapport à l'État et au capitalisme, Et bon, bah, j'ai confiance. Merci beaucoup. Merci pour ta prise de parole. Et donc, je redonne le micro à qui veut le prendre. Bonjour à toutes et à tous, je suis très intimidée, mais en même temps je suis assez fière de prendre le micro si ça peut aider les autres femmes à le faire, parce que c'est beaucoup moins facile pour nous. Alors j'ai 22 ans, je suis étudiante, et moi ce que je vois depuis le début de la manif des Gilets jaunes, c'est que vraiment, ça ne va plus du tout, on appelle ça une dérive, moi quelque chose qui dure deux ans, plus de deux ans, où on réprime absolument toutes les manifestations, où on est conscient, moi j'appelle pas ça une dérive. Moi je pense qu'on est bel et bien dans un État qui est devenu autoritaire, et je pense qu'on n'a pas besoin d'un gouvernement d'extrême droite pour constater cela, et qu'il faut pouvoir utiliser les bons mots, il faut pouvoir les pointer du doigt, et il faut pouvoir s'éduquer, je pense, de lire tous les jours, de m'informer, de discuter avec les gens autour de moi. Je pense que c'est super important aussi de convaincre ses proches, parce que moi par exemple dans ma famille, les avis sont très divers. Mon père, au début, il était complètement contre la manif des Gilets jaunes, il disait des trucs horribles. C'est quoi ce peuple dans la... Pourtant, on vient d'un milieu populaire, donc vraiment, ça... bref, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, je pense que notre première bataille aussi, elle est là, convaincre les gens autour de nous. Et comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, si on ramenait deux personnes chacune à chaque manifestation, ça aurait pris une ampleur énorme. Ça va prendre une ampleur énorme si on continue. Et voilà, je pense qu'il faut se battre, il ne faut pas lâcher, il faut se parler entre nous, il faut être solidaires, hommes, femmes, etc. Et vraiment... On va y arriver, voilà. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à oser, en effet, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on est tellement habitué à faire. Enfin, on parlait tout à l'heure de Nuit Debout, c'est vrai que c'était un moment où les gens avaient pris l'habitude de le faire, mais en général, c'est plutôt ceux qui sont responsables de tatata qui viennent prendre la parole au nom des autres. Donc n'hésitez pas à le faire en vôtre, beaucoup. Bon, je veux le faire, je peux le faire, je ne suis pas habituée à ça, mais je vais le faire quand même. La semaine dernière, on était au Trocadéro, c'était une action organisée par le gouvernement, et je n'ai pas peur de le dire. Donc, on est arrivé à l'heure, on est parti à l'heure, on avait une direction à prendre et pas une autre, sous réserve de se faire casser la gueule, ce à quoi on est habitué quand on n'est peut-être pas vous, mais nous un peu. Donc ça change, qu'on puisse prendre la parole librement, que ça soit pas les syndicats qui interviennent, mais ça change. Quel succès ! Il ne m'est pas dit. Alors ce matin, je discutais, je politiquais avec quelqu'un qui est pas plus ni moins que moi, mais intelligent un petit peu. Et on se dit intéressant quand même, c'est que, bon, les baby-boomers dont je fais partie, on les a assez vus. On va pas les tuer, mais voilà, on va les mettre un peu... Hein. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ceux qui suivent, mais c'est la génération d'en dessous. Ceux que la venue qui avait 20 ans, là. C'est ceux-là qui sont intéressants, parce que c'est ceux-là qui portent l'avenir. Alors, je me suis dit, c'est ceux-là qui portent l'avenir, là. Ça peut être l'horreur, comme ça pourrait peut-être être l'espoir, l'espérance. La charité, pas au sens chrétien du terme, mais la caritas, l'amour, le plaisir, la joie, enfin des trucs qui sont plus tellement tendance aujourd'hui. Hein. Franchement, le président, moi je crois qu'il est dépressif, si vous voulez mon avis. Donc, on a avec... le monsieur que j'ai eu ce matin, on a émis des hypothèses pour les... On a émis des hypothèses pour les 20 ans. Il dit que la sélection dans les facs ne devrait pas se faire par le fric. On devrait améliorer les fonds des bibliothèques universitaires, parce que pour s'acheter des livres, ça coûte cher. On devrait mettre en place la gratuité des livres, des chèques pour aller acheter des livres. On devrait étatiser les écoles dites privées qui génèrent de la différence sociale. Voilà. ou au moins plafonner leurs coûts. Parce qu'actuellement, faire des études dans une école privée, si vous n'êtes pas issu d'un milieu nanti, très nanti, c'est 10 000 euros. Les trouver, bonne chance. Ah, on peut aussi se faire endetter, ça c'est aussi une solution à l'américaine, voilà. Donc voilà. Alors, prêt à taux zéro, s'il faut emprunter, sans frais, 1 500 francs, hein, 1 500 euros un dossier de prêt hein, dans les banques, il faut le savoir. Transport gratuit, le RSA, alors mon copain il a dit à la danoise, je ne sais pas ce que c'est que le RSA à la danoise, je pense qu'il faut, avec les comparaisons. Logement social, la révolution n'est pas à décapiter vous les uns les autres, mais à inventer, à créer les uns les autres. Je vous salue, bien bas. Je veux bien prendre la parole. Bonjour. Alors moi je suis militante binationale. Je ne vais pas vraiment dire grand chose parce que tous les gens qui sont là, on sait pourquoi on est là, parce qu'on est dans le refus qui est Macron, donc on ne va même pas rentrer dans les détails, on est tous convaincus. Par contre, j'ai juste un mot, une spécificité à dire. Je suis militante du Hirak en Algérie. Certains ont entendu parler, peut-être pas tous. Les jeunes, les moins jeunes sont dans la rue d'Alger depuis presque 2 ans. Il y a une répression féroce et sur tout ce qui se trouve à dire, Monsieur Macron, c'est de dire je soutiens le président de la République algérienne. Il a oublié de dire, il ne peut pas en dire autant, il en est ici aussi. Et nous, on est là, les Hirakis, pour dire Macron, soutiens la dictature, les Algériens soutiennent le peuple français. Juste pour dire quelque chose, en fait, il ne faut pas se focaliser sur Macron, mais sur les réseaux macronistes. Macron a été élu par les réseaux sarkozistes. C'est un cercle de pouvoir qui gravite toujours. Quand on voit Alexandre Benalla, en fait, quand on pousse le bougeon un peu loin, on voit que, en fait, il a été manipulé par les réseaux sarkozistes, Alexandre Jury. Éric Dupond-Moretti aussi est un proche des cercles sarkozistes. Gérard Darmanin, c'est un sarkoziste. Donc, au lieu de regarder le programme, c'est sur des cercles de pouvoir, des mécanismes de corruption qui ont amené M. Macron au pouvoir, Alain Minc qu'il soutient et qu'il soutient des régimes depuis tant et tant d'années. Donc, il faut regarder ça et il n'y a pas que cette loi. Il ne faut pas oublier que M. Macron a voté une loi qui est de plus de quelques 1000% les frais d'inscription pour les étudiants étrangers, ce qui est une indécence absolue. Il ne faut pas oublier que M. Macron a surfé sur les voix de M. Hollande pour se faire élire. En fait, qui n'a pas voté pour Macron au deuxième tour ici? Bon, vous n'êtes pas nombreux. Bon. Donc, concentrez-vous sur les réseaux de pouvoir, sur les cercles de pouvoir, sur le programme et ne regardez pas les hommes. Parce que, peu importe les hommes, c'est la corruption qui gangrène. C'est l'extrême droite aujourd'hui qui pousse le pouvoir, qui soutient les lois du pouvoir. Donc, continuez le combat et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui souhaite prendre la suite? Exprimez-vous. Bonjour à tous. Alors, déjà, je me présente. Je suis Ajar, étudiante sage-femme. Je viens parler, en fait, en tant que citoyenne française. Je viens parler, en fait, au nom de la France, parce que pour moi, c'est tout là que je vois de toute appartenance, que ce soit religieuse, que ce soit de vos convictions, que ce soit de vos origines. C'est vraiment ça, la France. Et on est vraiment là ensemble. Et c'est ça que j'ai envie de rappeler. J'ai envie qu'on sente un peu tout l'amour là qui nous entoure. Aller vers l'autre, et c'est ce que je fais aujourd'hui, j'essaye d'aller vers vous, et j'espère qu'au quotidien, on pourra les uns les autres aller dans une optique de discussion et dans une optique d'échange, parce qu'on veut nous diviser aujourd'hui, mais on sait que, on le voit, on est unis et plus forts que tout ce qui pourrait nous diviser, vraiment. Juste pour vous livrer un témoignage, c'est vrai que ça fait peur parfois de prendre le courage, et j'en suis pas à ma première, Mais hier matin, réellement, moi je suis une fille issue d'une banlieue, d'un quartier, d'une cité. Hier, j'ai été réveillée à 6h moins quart par les cris, des hurlements de douleur. Et en fait, avec ma mère, j'ai vu des policiers qui étaient en train de violenter un jeune homme. Je n'ai absolument pas vu ce qui s'est passé avant, je les ai juste vus violenter un homme. Et en fait, c'est difficile d'imaginer à quel point on se sent dans un sentiment de panique et d'impuissance quand en fait on n'est pas victime, mais juste on voit ça et on ne peut rien faire. Et là, j'ai attrapé mon téléphone et je les ai menacés. Et le temps que j'attrape mon téléphone, ils se sont mis derrière un buisson. Aujourd'hui, notre seul moyen de défense, c'est de pouvoir les filmer et de pouvoir derrière démentir ce qui peut être fait. Donc vraiment, vraiment, c'est important de continuer de se battre pour ce droit-là. Et j'espère que c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui et vraiment pour envoyer un grand message d'amour à chacun des Français ici présents, chacun des Français ou non-Français, peu importe, on est ici, on est un peuple d'échange et on est un peuple d'entre-culture. Merci à vous. Bonjour, moi je parle au nom de citoyenne, pareil, jeune à Paris depuis pas longtemps. Et à vous dire, tout ce qu'on a fait, toutes les réactions de colère, d'inquiétude, de panique qui peuvent ressortir de tout ça. Moi, j'ai fait toutes les manifestations, tout mon lycée. Ça fait 5 ans qu'on suit tous les mouvements tout le temps, et même par rapport aux étudiants. On a eu beaucoup d'échecs, beaucoup, beaucoup d'échecs. Et aujourd'hui, moi, étudiante, quand je viens en manifestation, j'ai peur. Moi, quand je suis toute seule dans ma chambre d'étudiante, j'ai peur. Je cède à la panique et j'ai l'impression qu'ils ont réussi, en protégeant leur police, qui voulait dire protéger leur État parce que l'État est en danger, à nous faire peur et à engrener ce mécanisme de colère, ce mécanisme de destruction. Et moi, j'aimerais qu'on aille à contre-courant de tout ça. Parce que parlant de pouvoir, parlant de puissance, notre puissance, elle n'est pas seulement d'être dans la démonstration et d'être là ensemble. On n'est pas impuissant. Comme a dit la camarade, on est un peuple d'amour, on est un peuple fraternel. Moi, j'aimerais juste, en tant que jeune, déclarer vivre. Je veux vivre, je ne veux pas vivre dans la peur, dans la colère, dans la panique. Je veux vivre, j'ai plus d'espoir, j'ai pas d'espoir, je m'en fous. Peut-être qu'on ne gagnera pas et peut-être que l'humanité va s'éteindre dans très très peu de temps. Pour l'instant, moi, j'ai pas le temps. J'ai 18 ans et j'ai envie de vivre. Et ma première révolution, contradiction avec ce qu'on essaie de nous faire faire, la division. La division, la dénonciation, moi j'aimerais qu'on soit fraternel. Ma première révolution, c'est de parler, c'est d'être là, c'est de voir des gens autour de moi. Ma première révolution, c'est de Dieu et de me dire qu'on est là, humain, qu'on est puissant ensemble. Il faut retrouver cette puissance qu'on a tous en nous, parce que comme l'a dit le camarade, on oublie. On oublie qu'on a de la puissance, on oublie qu'on a de la force. Tout ça, c'est en nous, on a le droit de vivre comme absolument tous les êtres vivants sur cette terre. On a le droit. Solidarité. Moi, j'avais à dire qui m'ont interloqué là ces dernières années dans le paysage, dans notre quotidien. Premièrement, les voitures de police, je ne sais pas si vous avez remarqué, normalement les voitures de police sont bleues. Aujourd'hui, il y a des polices où ils mettent du noir dessus. On ne sait pas pourquoi. Et je pense que ça participe à un environnement qui est un petit peu malsain, ce choix du noir pour la police. Après, il y a autre chose, je pense, dans les rues qui sont faites, dans les mairies, de condamner des voix, les contresens. C'est-à-dire, on fait beaucoup de voix à sens unique. Et ça, je pense, ça c'est pareil. On dit que c'est pour fluidifier, etc. Mais je pense que c'est pareil. Une route, elle doit rester dans les deux sens. Ouais, du coup, bon, moi, je dis juste un petit mot. Je fais partie de Bouée du Peuple et je reprends la modération. En fait, voilà, j'encourage vraiment les gens à venir prendre le micro. Faut pas hésiter. Donnez-nous notre point de vue. Dites ce que vous avez à dire. Ça, franchement, ça permet de faire sortir les idées de sa tête et de clarifier les choses dans sa tête et ça libère. C'est franchement, nous, on a fait ça. Ça fait 4 ans et c'est vraiment, vraiment une très bonne expérience. Voilà. Donc j'ouvre la parole. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Et moi, si je suis ici, c'est parce que j'ai été révoltée, en fait, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des violences policières, que du coup, nous, on avait peur, qu'on sortait dans la rue pour demander à ce qu'on nous protège, entre guillemets. Et au final, ce que l'État nous répond, c'est qu'en fait, ils vont protéger la police contre nous, alors que c'est eux qui nous tuent. Et en fait, à la base, c'est la police qui était censée nous protéger. Et c'est pour ça que là, parce que ça me choque. Et j'ai réfléchi à ce que pourrait être la police autrement, parce que c'est vrai que, honnêtement, au début, j'étais pas ACAB. J'aime pas dire ACAB. Je le dis devant tout le monde, alors qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont me détester de dire ça. Mais, par exemple, voilà, il y a des fois où on a besoin de la police. Il y a des fois, voilà, moi, si je me fais agressé, j'aimerais bien qu'il y ait la police qui soit là, et puis voilà. Mais moi, j'ai réfléchi à ce que pourrait être la police, et je pense que la police qui est censée nous protéger devrait être là quand on a besoin d'elle, et donc seulement quand on l'appelle. Elle devrait être là pour nous, mais je vois pas pourquoi la police devrait, par exemple, faire des patrouilles et arrêter les gens, en fait, qui ne font de mal à personne, qui n'ont pas demandé à ce qu'elle soit là. Je pense que la police, voilà, devrait être toujours là pour protéger les gens qui ont besoin de danger. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. J'ai 19 ans et je me demande dans quel monde, en fait, je vais grandir. Après, on est vraiment énormément, et moi, ça m'émeut toujours à chaque fois de voir qu'il y a autant de gens qui sont là et qui pensent comme nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que la police pourrait être autre chose et que l'État s'en fout totalement de nous et se fout de notre gueule. Et franchement, ce sentiment d'impuissance collective me révolte. Voilà. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner ? Tu veux ? Merci. Voilà, moi je voulais dire que, comme vous tous, hein, nous avons vu ces images des migrants ici sur cette plage, hein, où la police est venue. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ça. Il ne faut pas oublier que les migrants, qu'ils viennent d'Amérique du Sud, qu'ils viennent de l'Afrique, de l'Orient, je ne sais d'où, vous pensez que c'est des gens qui fuient leur terre pour venir ici en France pour danser? Ils ne viennent pas ici danser, s'amuser, hein. C'est des gens qui fuient la misère. C'est des gens qui fuient la guerre. C'est des gens qui fuient le viol. C'est des gens qui fuient la torture, gens qui fuient la barbarie. D'accord? Alors on va se mettre d'accord là-dessus. Là, j'ai entendu pas mal de témoignages. C'est quoi cette peur? Vous parlez de peur, de peur, de peur, de peur, de quoi? De qui? Non, j'ai pas peur, moi. Mes amis, il faut que nous restions dignes. Il faut que nous restions debout. Il faut qu'on reste debout, solidaires. Oui, on est là. On est combien de Français ici? 65, 66, 67 millions. 67 millions de Français, vous vous rendez compte? On peut la faire, cette révolution. Moi, j'ai été scandalisé. C'est quoi? Nous, chasser ces migrants, ces pauvres migrants. Moi, je n'ai pas pu dormir. Hein. Ça m'a empêché de dormir. Bien sûr, c'est une réalité que je connaissais, bien sûr, en tant que militant. Mais ça, c'est pas possible de vivre ça. J'ai vu le témoignage d'un responsable du racisme. Mais cette personne, elle parlait, mais on voyait sur son visage, on voyait ce désarroi, on voyait cette souffrance, on n'avait pas besoin de parler, on voyait sur son visage la souffrance. On la voyait. Moi, ça m'a touché. C'est pas possible. Sachez, les amis, les pays européens, parce qu'on ne parle pas non plus de la vente des armes aussi, hein, parce que cette vente des armes, la vente des armes, hein, en Arabie Saoudite, la France, elle vend des armes dans ces pays-là. Elle vend massivement des armes. Il faut savoir ça. Hein? Ils vendent des armes pourquoi? Pour aller mettre le désordre dans d'autres pays, dans d'autres nations. S'ils mettent le désordre là-bas, qu'est-ce que font les pauvres familles quand il y a la guerre? Eh bien, comme nous tous, eh bien, on prendrait nos enfants, notre famille, nos frères, nos soeurs, et bien on partirait. On quitterait notre pays. Mais c'est de gaieté de cœur, hein, qu'on quitte notre pays. On part parce qu'on n'a pas d'autre solution. Parce que c'est ça, sinon c'est la misère. La pauvreté. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. Nous devons être debout pour accueillir ces migrants. Parce que c'est la guerre. Il fuit les violences. Les violences d'État. Voilà, c'est ça que Macron nous promet. Hein? Alors, cette loi sécurité globale, vous avez envie de voir des drones? Ils appellent ça dans la loi sécurité globale des aéronefs. Les aéronefs ont des drones. Hein? Alors moi, ça m'a rappelé aussi, vous savez, les films de science-fiction que nous avons tous vus à la télé. Mais on s'est dit, oh, mais ça, c'est loin, c'est de la fiction, c'est de la science-fiction. Non, c'est pas de la fiction. On y arrive, là. Bientôt, si on n'est pas là, debout à cette loi scélérate, eh bien, vous aurez des drones. Là. Voilà. Et vous ne pourrez même pas sortir, faire un pas dehors de chez vous. Vous serez déjà filmé. Parce que ces drones seront reliés à des PC de sécurité. Hein? Vous avez vu ce documentaire? Excusez-moi, peut-être c'est un peu trop long, mais je vais couper. Hein. Vous avez vu ce documentaire sur la Chine? Ce qu'ils nous promettent. Hein? Vous avez des commerciaux à la fin de ce documentaire. Je crois que c'était, comment ça s'appelait? Bon, je ne sais plus combien, 10 millions de... Enfin bon, bref. Vous avez vu ce documentaire ou pas? Non, apparemment. Voilà, il faut voir ce documentaire sur la Chine, parce que ça va venir ici bientôt. Hein? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des PC de sécurité qui seront reliés, alors avec la 5G, la 6G, la 7G, etc. Donc ça, c'est multiplié, c'est la 4G multipliée par 10, par 20, etc. Et nous serons numérisés. Nos visages seront numérisés. On ne pourra pas faire un pas, on sera reconnu. Ce monde, c'est de la dictature. C'est de la dictature. Voilà, soyons debout, n'ayons pas peur. Nous devons lutter. La révolution, elle est en marche. La révolution est en marche, mes amis. Tous ensemble, on peut le faire. Merci. Merci à toi pour ton témoignage. Bonjour à tous. J'ai hyper le trac, j'aime pas du tout faire ça. Moi, je m'appelle Jemil, je viens de Haute-Savoie. Et j'avais rien à dire, juste que je suis très heureux d'être là, tout simplement, avec autant de gens. Et vous êtes belles. Merci beaucoup d'être là. Et de vous entendre aussi, parce que bah, je me chie dessus de parler devant des gens que je connais pas. Et peut-être que vous aussi. Alors, si ça vous dit, on peut crier ensemble. Et la rue, elle est taquille. Taquille. La sécu, elle est taquille. La police, elle est taquille. La République, elle est taquille. Et la rue, elle est taquille plus fort. Et la rue, elle est... Ça m'a fait du bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, c'est vraiment un très bon exemple de ce qu'il est possible de faire en fait. C'est vraiment le but, chacun peut venir s'exprimer, lâcher ce qu'il a à dire, ce qu'il a envie de dire. Et voilà. Est-ce que quelqu'un se motive à parler? Vas-y. Allô, allô, vous m'entendez? Bonjour. Moi, j'avais vachement peur de venir tout seul, et je venais aussi. Finalement, on s'est pas retrouvé, mais ça m'a rassuré quand même, et je me rends compte que des fois, on a tous peur. C'est le coup de matraque de trop, ou le coup de fumigène de trop, et on a plus envie de revenir, quoi. Et je crois que je m'autorisais pas à avoir peur, à avoir besoin de soutien, donc je vous encourage que vous soyez, même si vous faites 90 kilos et que vous êtes très musclé, vous avez le droit d'avoir peur, en fait, c'est ok, c'est juste le système nerveux, quoi, ça, on a tous un. Donc solidarité, il y a des gens qui ont besoin d'aide, et des fois nous on a besoin d'aide aussi, et c'est ensemble qu'on va y arriver. Merci. Merci beaucoup à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner? Parler de quelque chose qui lui paraît important. Comme je suis plus modératrice, je vais parler en mon nom. Non, je voulais revenir sur plusieurs choses. Déjà, quel est le rôle de la police? Moi, je suis hyper choquée quand les panneaux dans le métro qui mettent « Si vous voyez une agression, appelez tel numéro ». Non. Si vous voyez une agression, agissez en fait. Agissez, réagissez. Il y a cette mentalité qui est en train de se développer, donc il faudrait se protéger les uns des autres. Avec le virus, avec d'autres choses. Mais non, il faut se protéger. Et en fait, quand on voit toutes ces choses-là qui nous inculquent toujours, s'il y a un problème, parlez à un tiers, s'il y a un problème, appeler la police, appeler la sécurité, etc. Ça fait que ça, on est en rapport avec qui en face de nous là? Celui qui est en danger en face de nous, c'est qui pour qu'on doive appeler quelqu'un d'autre? Je sais pas, on a peur des autres à ce point-là? Bon. Et sur la peur, quelqu'un disait ça tout à l'heure, moi je pense qu'ils ont très peur au niveau des gouvernements. Et c'est pas pour rien qu'ils balancent toutes ces lois sécurité actuellement. Depuis les gilets jaunes, de toute façon, ils ont peur. Bon, je pense que voilà, Macron était un peu détendu avant, ça l'a un peu... Et que depuis, ils ont peur, ils savent très bien qu'il y a une colère qui est énorme, qui n'a absolument pas été calmée par le confinement, qui est juste mise sous silence, mise sous cloche, et qu'ils ont très très peur de quand ils vont bien être obligés à un moment ou à un autre de déconfiner complètement, et ils ont très peur de voir ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que toutes ces lois, elles passent pendant qu'on ne peut pas trop bouger encore, et pourtant on voit là on est sous confinement et tout le monde bouge. Donc c'est déjà bon, la bascule de comment dire du renfermement, elle est déjà passée en fait. On a recommencé à sortir. Mais ils ont très peur et c'est parce qu'ils ont peur, faut pas l'oublier en fait. Faut pas l'oublier que c'est parce qu'ils ont peur qu'ils agissent comme ça, et que très souvent dans l'histoire, le moment où les gens sont obligés de prendre position, de se radicaliser, ils aiment bien ce mot-là en plus, d'une façon ou d'une autre, c'est parce qu'il y a quelque chose en cours qui est en train de péter. Alors évitons que ça civile et qu'ils auront gagné la division, mais plutôt que ça pète dans le sens où on va réussir à récupérer du pouvoir, appelez ça souveraineté, appelez ça ce que vous voulez, mais qu'on puisse au moins décider de nous-mêmes et se protéger les uns les autres. Bonjour à tous, concitoyens. On mène une lutte actuellement, et je crois que comme a mis en avant cette femme, je ne connais pas, il va y avoir une cristallisation des luttes et le peuple français doit être uni dans le débat démocratique pour mener ces valeurs qui sont internationales. Article 2 de la Constitution de la 4e République de 1949. La République française est démocratique, une et indivisible. Ce sont nos valeurs. Ils essayent de nous diviser. Mais nous, pour mener un combat démocratique et trouver une structure qui profite au bien commun. Et non pas au capitalisme. Merci, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner là-dessus? Bonjour à tous. Moi, en arrivant ici, je m'appelle Aldona, je suis polonaise, j'ai vécu un petit peu ce qu'on est en train de vivre en Pologne. Il y a longtemps, j'étais petite, je pensais que c'était terminé. Mais bon, on a perdu la démocratie là-bas, on est en train de la perdre ici. Mais en arrivant, et en voyant des gens pleurer, je ne savais pas pourquoi, mais c'est les larmes de joie. Et j'avais aussi envie de retrouver les nuits debout, tout. Et voilà, et je vous avais retrouvé. Donc je suis très contente d'entendre tant de voix rafraîchissantes, tant de personnes qui ont déjà une conscience bien plus grande que nous, qu'on avait votre âge. Donc déjà, bravo, en tout cas, je parle de moi. Bravo et merci pour votre engagement et merci à tous. Je vois que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui et ça me touche parce que, étant une personne qui a vécu et voit souvent dans les infos, c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Et étant rappeur, étant artiste, on n'entend pas souvent parler de ce genre de choses. On attend plutôt BH, etc. Mais on n'entend pas parler de ces personnes qui se font tuer. Parce qu'ils portent une couleur, la couleur noire, vous voyez? Et ça sert à rien d'applaudir si on fait pas d'action, si on n'agit pas. À chaque fois, on entend le matin, sur BFM TV, quand est-ce qu'on passe au changement? Quand? Nous n'accepterons plus. En plus, c'est de plus. Ils nous aideront plus. Ils jouent avec des déons pour nous tuer, il en faut plus. Regardez-moi. Regardez-vous. Gardez la hargne. au garde à vous. Je vais monopoliser. Je suis obligé. Je me dois de rester assez longtemps. Parce que je viens de loin. Je risque d'avoir une amende pas très chez moi. Je vais prendre le train. La police va me contrôler. Vous voyez? Elle va me contrôler. Or que la personne à côté qui est caucasienne, elle va pas se faire contrôler. Combien de fois ça m'est arrivé? Je dis pas que les blancs, faut les mépriser. J'aime les blancs. Faut juste qu'on soit plus solidaires ensemble. Non, applaudissez pas. Je veux pas qu'on m'applaudisse. Non, moi je suis pas venu ici pour applaudir. Je suis venu ici pour que chaque personne ici qui entend ma voix se dise, ok, je rentre chez moi et la prochaine fois que je vois une bavure policière, j'agis. Je n'ai pas peur. Je rentre. Si je me fais taper, je suis rentré. J'ai un bleu de personne, c'est un humain aussi, c'est mon frère, il a un bleu aussi. Vous voyez? Si j'ai un bleu, toi aussi, vous aussi. Pardonnez-moi de vous avoir tutoyé. Vous aussi, vous avez un bleu. Parce que nous sommes unis. Et ça, faut le comprendre. J'ai compris ça, que vous êtes unis, on est tous unis ici. À ce moment-là, on deviendra plus fort que l'on est maintenant. J'aimerais que, au lieu de m'applaudir, j'aimerais que vous dites cette phrase ensemble, en harmonie. Nous sommes unis. Encore. Nous sommes unis. Encore. Nous sommes unis. Encore. Unis. Encore. Nous sommes unis. Encore. Nous sommes unis. Encore. Plus fort. Faut que les gens ils viennent encore. C'est bien, comme ça. Crie encore. Et elle a tenu. Nous sommes unis. Elle a tenu pour que sa voix porte encore plus son micro. Vous voyez? Donc, merci de m'avoir écouté. Un fou avec une sorte de calvitie. Merci de m'avoir écouté. C'est gentil, c'est très sympa de votre part. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est important. C'est vraiment important. N'oubliez jamais. Nous sommes unis. Merci. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Soraya. Ben, comme tout le monde, chacun de nous, il est là pour réclamer quelque chose. Chacun de nous se révolte pour quelque chose. Il a perdu son... Ok, comme ça, pour qu'il m'écoute bien, d'accord. Quelqu'un qui a perdu son frère, quelqu'un qui a perdu sa sœur, quelqu'un qui est en train de souffrir dans le 80, attendre que l'État lui répond. Des années en train de répéter jusqu'à ce qu'il devienne vieux et les cheveux blancs sortent. Chacun de nous, il est là, demander quelque chose. Parle-t'en, on a marre. On ferme la bouche, on a peur de quelque chose. On ferme la bouche, on parle pas, on dit rien du tout. On laisse les chefs nous commander. On les laisse nous commander, laisse nous torturer jusqu'à aujourd'hui. On les laisse nous torturer. Mais malgré tout ça, nous on est forts. La révolution, c'est pas comme ça qu'on fait la révolution. Elle viendra un jour, c'est sûr. La révolution, elle viendra un jour. Mais là, on est en train de réclamer quelque chose qui nous doit. Que le ministère de l'Intérieur et tous les présidents, tous les ministères, ils doivent nous répondre. Ils doivent nous donner notre réponse aux familles. Réponse aux gens qui sont morts pour quelque chose. Aux gens qui sont venus ici réclamer quelque chose. On est solidaires, oui. On est solidaires pour le droit. Droit de tout le monde. droits des femmes et surtout que le ministère, il arrête de nous négliger. On a marre de rester comme ça, sans réponse. Les familles sans travail, sans rien. Révolution, c'est pas comme ça. Révolution, pourrez-vous mourir en un clin d'œil. C'est pas comme ça, révolution. Révolution, c'est autre chose que ça. Faut pas penser à révolution. Il faut répondre. Il faut utiliser la méthode à l'amiable. Et lorsque l'amiable ne sera pas réalisé, on passera à l'action. Ils veulent ou ils veulent pas. C'est comme ça. Et on va dire, malgré tout, vive la France et vive toutes les gens qui sont là pour quelque chose. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Qui veut enchaîner là-dessus? Merci beaucoup. Je rappelle que la parole, elle est ouverte à tous. Et vous pouvez chanter, vous pouvez faire un poème, vous pouvez nous dire ce que vous voulez. Le micro est disponible. Donc, sachez que forcément les premiers marcheurs de la journée sont arrivés à Bastille. Enfin, on est toujours très nombreux à République. Donc, c'est plutôt chouette. Tout à l'heure, j'ai mis une demi-heure à aller à rue du Faubourg du Temple, là, juste à côté. Donc, si on a mis une demi-heure, c'est qu'il y avait énormément de monde. D'ailleurs, il y avait des gens qui sortaient parce qu'ils n'ont pas respiré. Il y avait des gens avec des enfants, avec des poussettes. Il y avait toutes les couleurs, tous les drapeaux, c'est chouette. Je ne sais pas comment ça se passe à Bastille, mais en tout cas, si on est aussi nombreux ici, c'est qu'il y a du monde dans la rue, malgré le contexte, malgré la répression, malgré le Covid. Donc voilà, ce micro, il est toujours ouvert. N'hésitez pas à le prendre. Nous, voilà, on s'arrêtera quand plus personne n'aura envie de parler. Et en tout cas, c'est super chouette d'être ici, ça nous fait ultra plonchon. Et merci de prendre la parole en tout cas. En plus, là, il y a moins de monde qui écoute, donc tu as moins l'impression quand tu parles, tu vois. Tu peux parler tout seul un peu. Vous vous approchez, vous avez envie de parler, c'est ça? Non, moi, je suis pas là pour parler, je suis là pour faire passer la parole, justement. Il n'y a pas quelqu'un qui a un petit poème à nous raconter? Une petite chanson à nous faire? d'accord, Adèle.